Adeline et Hortense, restées seules, allèrent tenir compagnie à Lisbeth. La haine d'Hortense contre Valérie était si violente qu'elle ne put en contenir l'explosion. « Cousine, ma mère et moi nous sommes vengées » s'écria-t-elle. « Cette venimeuse créature se sera mordue. Elle est en décomposition. »« Hortense, » dit la baronne, « tu n'es pas chrétienne en ce moment. Tu devrais prier Dieu de daigner inspirer le repentir à cette malheureuse. »« Que dites-vous ? » s'écria la bête en se levant de sa chaise. « Parlez-vous de Valérie ?»« Oui, » répondit Adeline, « elle est condamnée. Elle va mourir d'une horrible maladie, dont la description seule donne le frisson. » Les dents de la cousine bête claquèrent. Elle fut prise d'une sueur froide. Elle eut une secousse terrible qui révéla la profondeur de son amitié passionnée pour Valérie. « J'y vais, » dit-elle. « Mais le docteur t'a défendu de sortir. » « N'importe, j'y vais. Ce pauvre Crevel, dans quel état il doit être, car il aime sa femme. »« Il meurt aussi, » répliqua la comtesse Steinbock. « Ah, tous nos ennemis sont entre les mains du diable. »« De Dieu, ma fille !»